J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. La clé du cabinet des souverains, 25 mai 1797. Acte de bravoure extraordinaire. Les papiers anglais ont rendu une justice éclatante à l'intrépidité peu commune du capitaine Surcouf de Saint-Malo, commandant le navire l'Émilie. Aucun journal en France, que je sache, n'a rendu compte d'un acte de bravoure qui n'a d'exemple que dans l'histoire invraisemblable, mais très vraie, des flibustiers. Les Anglais, vaincus par Surcouf, l'ont comblé d'éloges, et nous semblons l'oublier en France. Pourquoi cette différence d'opinion entre deux peuples qui, quoi qu'en disent quelques déclamateurs, sont faits pour apprécier tous les genres de gloire? Il faut en chercher la cause dans l'orgueil national, qui sait en Angleterre tourner au profit de l'esprit public les revers et les succès. Là, le gouvernement sait associer tout ce qui est grand à sa grandeur maritime, et dans les éloges même qu'il accorde aux vainqueurs, montrant orgueilleusement sa puissance, il semble faire dire au peuple « Le brave Surcouf était digne de commander un vaisseau anglais ». Nous sommes bien loin de tirer un égal parti de nos victoires. Au lieu d'environner le peuple de l'éclat de ses triomphes, au lieu de diriger toutes ses vues vers un repos agricole qui seul peut assurer le bonheur des conquérants et caresser leur orgueil, nos écrivains politiques ne parlent que de factions et de factieux. Ils attristent toutes les âmes en continuant de leur faire peur avec des hommes à moustaches et des barbes bleues de la Révolution. On a représenté à Londres, avec une grande vérité, dans les moindres détails, le combat naval du Cap Saint-Vincent. Le peuple s'est porté en foule à ce spectacle. Il n'y a pas un habitant qui n'ait applaudi. Imaginez à Paris le grand spectacle du passage du Rhin ou du pont de Rivoli et calculez à l'avance quel sera le nombre des spectateurs. Pauvre peuple. Tant que vous vous passionnerez pour Madame Angot, l'Odéon et le Thiaz, dont les derniers mots ne sont même pas connus dans votre langue, vous n'aurez pas d'esprit public, quoi qu'en disent vos éloquents instituteurs. Si étranger à l'Europe, je mettais pour la première fois le pied dans ces heureuses contrées et que je voulusse connaître l'esprit national, je demanderais d'abord quels sont les ouvrages les plus connus du peuple. J'apprendrais qu'en Angleterre, on fait depuis un demi-siècle, chaque année, 4 à 5 éditions de Robinson Crusoé. J'en conclurai sur le champ que cette puissance est maritime et que l'on cherche à inspirer au peuple le goût des voyages de long cours et à lui donner de bonne heure la trempe d'esprit nécessaire pour en supporter les fatigues et les dangers. En arrivant en France, je saurai que depuis un siècle, on imprimait chaque année plus de 12 000 exemplaires de la Bibliothèque Bleue et que le livre le plus répandu, après Richard sans peur, Les Cantiques de Noël et Robert le Diable, était Les Fables de La Fontaine. J'en conclurai que ce peuple frivole doit aimer les contes, qu'il est dévotement peureux et qu'il se sert souvent de l'allégorie, n'osant dire tout simplement la vérité. C'est bien pis aujourd'hui. Si nous avons laissé derrière nous l'histoire du petit Pousset, il nous est resté celle de l'ogre, dont, pendant longtemps, on racontera les horribles exploits. Monlinot.